الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers auditeurs, nous continuons ensemble la lecture et l'étude de hadith au sujet de la croyance et du suivi, réunis par l'éminent Cheikh Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali حفظه الله تعالى dans son livre intitulé مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع. Nous en sommes aujourd'hui au dixième hadith que l'auteur رحمه الله تعالى a sélectionné ici et qui est un hadith immense rempli de leçons et d'enseignements dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a adressé une recommandation à ses compagnons رضي الله عنهم qui est en réalité une recommandation pour l'ensemble de sa communauté. Et cette recommandation comprend les clés du succès et de la réussite et les moyens pour faire face à la division et aux divergences qui peuvent se produire au sein de la communauté. Il a donc dit « An Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu » donc d'après al-Irbad ibn Sariyah كالله لقري قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a adressé une exhortation éloquente. Et ce qui est visé par l'exhortation, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de faire craindre sa colère et son châtiment. Et il nous décrit l'exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant éloquente, c'est-à-dire qu'elle a touché les cœurs de ceux qui l'ont entendu et écouté. Ensuite il dit, appuyant sur cela, « Wajilat minha al-qulub, wa dharufat minha al-uyun » Les cœurs ont frémi à son écoute et les yeux ont versé des larmes. « Faqulna, ya Rasulallah, ka'annaha maw'idhatu muwaddi'a » Ô messager d'Allah, c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui présente ses adieux. Fa'ausina, il lui demande une recommandation. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, Usikum bi taqwallah, je vous recommande la crainte d'Allah, la piété à l'égard d'Allah, c'est-à-dire de mettre entre vous et le châtiment d'Allah une chose qui vous en préservera. Et quelle est cette chose qui peut nous préserver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est de nous soumettre à ses ordres en les accomplissant et de nous soumettre à ses interdits en les délaissant. Je vous recommande la crainte d'Allah, la piété à l'égard d'Allah. Wassam'i wa ta'a, l'écoute et l'obéissance, c'est-à-dire l'écoute et l'obéissance aux détenteurs de l'autorité parmi les musulmans. Telle est la recommandation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'écouter et d'obéir aux détenteurs de l'autorité parmi les musulmans. Puis il ajoute, sallallahu alayhi wa sallam, « Wa in ta'ammara alaykum abd » Même si c'est un esclave qui vous gouverne, même si c'est une personne qui n'est pas digne de vous gouverner à partir du moment où il a l'autorité sur vous et qu'il a le pouvoir, alors vous lui devez écoute et obéissance. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'annoncer une chose parmi les événements futurs et de dire fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira. Certes quiconque parmi vous vivra verra alors de nombreuses divergences. Il verra la division. Il verra les gens s'éloigner de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il verra des discordes, il verra des dissensions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé cela. Mais il ne nous a pas prévenus contre ce mal sans nous indiquer le remède. Et c'est pour cela qu'il dit immédiatement après « Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di » Cramponnez-vous donc à ma sunnah, cramponnez-vous donc à ma voie, à ma méthodologie, Accrochez-vous à ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et à la sunna des califes bien guidés après moi. Accrochez-vous également à leur voie et à leur méthodologie, dans le domaine de la croyance, dans le domaine de l'adoration, dans les paroles et dans les actes. Cramponnez-vous à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et à la sunna de ces califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiyallahu ta'ala anhum. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'insister à ce sujet et de dire « Addu alayha bin nawajid »« Mordez-y fermement avec vos molaires »« Attachez-vous fermement à cette sunna, même si pour ne pas la délaisser vous devez y mordre avec vos molaires » Certains parmi les gens de science ont dit que ceci est à l'image d'une personne qui se retrouve en mer, sur le point de se noyer, et qui n'a qu'une corde à laquelle se tenir. Il va alors s'y attacher fermement, mais il ne va pas seulement s'y attacher avec ses mains. Il va s'y attacher autant qu'il peut, même s'il doit pour cela mordre à cette corde avec ses molaires, pour ne pas la lâcher, par peur de périr. Et c'est ainsi que le croyant se doit de se cramponner à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine cette recommandation en disant « Wa iyyakum wa muhdathatil umur » et prenez garde aux choses nouvelles, c'est-à-dire les choses nouvelles en religion. « Fa inna kulla bid'atin dalala » car toute innovation est égarement. Toute chose nouvelle en religion est un égarement et il n'y a pas de bonne innovation. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et d'autres. Comme vous l'avez entendu, ce hadith est un fondement immense parmi les fondements de notre religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a adressé de grandioses recommandations. Et ces nobles conseils que l'on trouve dans ce hadith concernent l'ensemble de la communauté. Il nous a donc indiqué les clés de l'établissement de notre religion et de nos affaires mondaines. Si nous nous accrochons et nous cramponnons aux recommandations données par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans cette recommandation rapportée dans ce hadith, alors ceci résoudra nombre de problèmes que rencontre la communauté aujourd'hui. En effet, nul ne peut établir sa religion si ce n'est par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est par cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé. Je vous recommande la crainte d'Allah, la piété à l'égard d'Allah, obéir aux ordres d'Allah en les accomplissant et se soumettre à ses interdits en les délaissant, en s'en écartant. C'est cela qui est visé par cet ordre. Craindre Allah, ce n'est pas seulement une prétention, mais celui qui fait réellement preuve de piété. Il veille, dans ses paroles, dans ses actes, à se conformer à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a adressé une deuxième recommandation qui est également une recommandation d'une grande importance. Car les affaires religieuses et les affaires mondaines de la communauté ne peuvent être établies comme il se doit, si ce n'est par le biais d'un dirigeant juste et vertueux. Et la communauté se doit de se soumettre à l'autorité des dirigeants musulmans, dans ce qu'elle aime et dans ce qu'elle déteste. Et cela est dans l'intérêt de l'islam et dans l'intérêt des musulmans. Premièrement, ceci préserve l'unité des musulmans, car en étant tous sous l'étendard de notre gouverneur, nous sommes unis derrière lui. Et ceci est un intérêt immense. Contrairement à ceux qui se divisent, entrent en dissension, en discorde ou même, voire pire, en combat, et se retrouvent avec différents dirigeants, et ils ne trouvent ainsi aucune stabilité et aucune unité. Également, le fait d'obéir et d'écouter les détenteurs de l'autorité est une manière de préserver le sang des musulmans et d'éviter les combats et les guerres civiles que l'on a pu observer dans nombre de pays. Et c'est pour cela que l'islam a prescrit l'obéissance au gouverneur dans le convenable, même si lui, en ce qui concerne sa personne, il a des manquements et commet des péchés. À partir du moment où il est musulman, la communauté lui doit écoute et obéissance dans le convenable. Et ceci est l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez entendu dans ce hadith. Je vous recommande la piété à l'égard d'Allah et l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous dirige est un esclave. Ceci est l'ordre de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est la voix de Muhammad, celui dont on atteste pour lui qu'il est le messager d'Allah et qu'il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Donc prenez garde à ces gens aujourd'hui qui laissent penser que le fait d'obéir au gouverneur est une chose nouvelle en religion ou que ceci serait un fondement nouveau qui n'existait pas auparavant. Vous ne trouverez pas un ouvrage parmi les ouvrages des savants anciens et contemporains exposant la croyance des gens de la sunna, si ce n'est en mentionnant ce fondement immense qui est l'écoute et l'obéissance aux détenteurs de l'autorité parmi les musulmans. Prenez donc garde à ceux qui veulent vous faire croire qu'il y a aujourd'hui une secte nouvelle, qu'ils appellent parfois les wahhabites, ou parfois les jamiyas, ou encore, et plus fréquemment en ces jours, les madakhilah, et qui répugnent le fait qu'on leur rappelle cet ordre prophétique qui est d'obéir aux détenteurs de l'autorité parmi les musulmans. Et bien sûr, cette écoute et cette obéissance n'est que dans le convenable. Il va de soi que, si les gouverneurs venaient à ordonner un péché et la désobéissance à Allah, alors, comme l'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué la position à avoir et la conduite à tenir face aux divergences qui se produisent suite à l'opposition de certains contradicteurs à la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué de nous cramponner à ce avec quoi il est venu, nous cramponner à sa sunna et à la sunna de ses califes bien guidés. Et c'est en cela que la communauté trouvera le salut et le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. La solution à toute discorde et le remède à toute divergence se trouve dans le suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dans le retour véridique au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Et si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Renvoyez-le à Allah, c'est-à-dire au livre d'Allah, et renvoyez-le au messager, à sa personne de son vivant et à sa sunna après sa mort. Donc, si on veut résoudre les divergences qui peuvent se produire entre nous, le remède est très simple. Nous n'avons qu'à prendre pour juge et pour arbitre le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et si nous agréons tous cela et que nous nous soumettons pleinement à cela, alors nous mettrons fin à beaucoup de divergences et nous serons unis sur la vérité. Et il est à souligner que toute autre solution visant à mettre fin à la discorde et à la divergence entre les musulmans est une solution erronée et vouée à l'échec. Car il ne pourra y avoir d'unité que par un retour véridique au livre d'Allah et à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé cette recommandation en mettant en garde contre les innovations qui désignent les choses nouvelles en religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait fréquemment en garde sa communauté contre le danger des innovations et leurs méfaits. Il répétait cela dans chacun de ses sermons. Toute chose nouvelle en religion est innovation et toute innovation est égarement. Elle mène au feu de l'enfer. Et il n'y a pas de bonne innovation en islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a donné un jugement général. Et il a dit toute innovation est égarement, sans exception. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort sans avoir transmis pleinement le message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans son noble livre qu'il a complété pour nous cette religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Elle est complète. Il ne manque rien dans la religion. Et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Donc quiconque prétendrait qu'il y aurait en islam de bonnes innovations. C'est comme s'il prétendait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas transmis le message dans son intégralité. Wallahu al-musta'an. Donc on tire de ce hadith différents bénéfices. Premièrement, la légitimité de sermonner et d'exhorter les musulmans. Et ceci est le rôle des gens de science, des imams, des prédicateurs, des étudiants en sciences, de veiller à sermonner, à porter le bon conseil et à exhorter les musulmans. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'ordre de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et de mentionner cela dans les exhortations, car ceci est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala au premier et au dernier. C'est donc une recommandation d'une grande importance. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre « وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ » Nous avons certes enjoint à ceux à qui le livre a été donné avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah, de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de vous soumettre à ses ordres, de les accomplir et de délaisser et de vous écarter de l'ensemble de ces interdits. Le troisième bénéfice qu'il y a dans ce hadith est qu'il contient un signe et une preuve parmi les preuves de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce car il a annoncé dans celui-ci que surviendraient au sein de sa communauté de nombreuses divergences, et ceci a eu lieu comme il l'a annoncé sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, ce hadith contient le blâme de la division et de la divergence en religion. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre celle-ci. Et il a mentionné que le remède face aux divergences est de revenir à sa sunnah. Donc ceci est un ordre de rester unis sur une seule voie et sur une seule méthodologie, qui est la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses compagnons. Radiyallahu anhum. Et ceci, comme on a dit, est la solution et le remède à toute divergence et à toute dissension. Enfin, parmi les bénéfices que contient ce hadith, il y a, comme on a dit, la mise en garde et la réprimande des innovations et de toutes choses nouvelles en religion, et qu'il n'y a pas, dans la religion de l'islam, de bonnes innovations, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de manière explicite que toute innovation est égarement. On a donc terminé avec ce hadith. Walhamdulillahi rabbil alamin.